Wielka wiekita na koi zła. Kazemu mu żałada samia. Sysła? Melissa y Bachala y Apatada. Se la fue telequí. chérie, atterrissa par terre, remplis mon verre bébé avec de l'eau de vie. François Bangila, Dadi Bouchanga, Mamadou, Larissa Ndomba. Je veux tout élever et prendre tout de toi, me remplir de ton amour comme un feu de Pâques. C'est toi le maître d'œuvre, c'est mon plaisir intégral. Je suis le maître d'ouvrage de ton bonheur 5 étoiles. Boy, boy, Mike mon fils. Je veux toi le plaisir. Ouais. Je veux toi, je veux. Mmh. Je veux toi mon livre. Il est caché en toi. Sourire, chasse les tourments cachés dans mon subconscient. Ton amour est l'oxygène que j'ai respiré. Ton sourire, chasse les tourments de mes poumons. Ton amour est l'air que j'ai respiré. Ton corps ressemble à un paysage du rêve pour habiter le plaisir. Jofa. Le boss Lucien Ebata, père de Tendai. Tout à toi le fait, tout à toi je veux, tout à toi mon livre, il est caché en toi. Quoi que tu fasses ou que tu ailles, l'amour nous menace comme un champ de bataille. Dans mon cœur, on va t'y balle, en plein cœur. Oui, d'un classique, il ne compte pas là.